c'est des teubés. Rappeurs en ton car finissent dans ses lots. Toujours dans les bails noirs dans la selle. Hein. J'arrête pas hors que je passe en la télé. C'est dans mon flash que je noie ma peine. Ma mère cache une vraie lâche sous son pagne. En promenade tu te la pètes, mais tu fais le yo-yo pour des paquets de pâtes. Pourquoi tu gesticules? Higo, pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Higo, pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Higo, pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Higo, pour toi j'ai le geste qui tue. Si tu marches, tu t'affirmes, sache que c'est un budget pour les habits. Le bruit sur la ceinture, ça part en couille, là les problèmes s'habillent. Nous on ferme la boca, ça doit que ça délai pour pouvoir s'en sortir. Très bien l'avocat, j'ai un défaut, peine, problème. À gogo, tout le monde est à gogo. À gogo, tout le monde est à gogo. À gogo, à gogo, à gogo. L'esprit coule à flot quand je vais me noyer. Je serai le sang du rap, place dans le noyau. Si je picrape tout ce qu'il y a dans mon cahier, je m'achète un lambeau ou deux, trois cahiers. Qui sera ça? Je suis triceratops qui baisse tous ces rappeurs. Ouais, ils sont tous rincés, c'est intéressant, ils ont Flaubert Teresa. Je me la raconte, sa mère, celle aime ses salopes, s'allonge sur le soma. Ils ont tous le sema, comprennent la semence, ils ont besoin de salé. Comme Gino, veille, reviennent tous ceux qui mignonnent. Comme Gino, veille, reviennent tous ceux qui mignonnent. Tu marches, tu t'affirmes, sache que c'est un budget pour du tapis. Le brûlis sous la ceinture, ça part en couille, là les problèmes s'attirent. Nous on ferme la boca, ça va que ça dit, les faux pouvoir s'en sortir. Préviens la boca, j'ai un du coup, fait problème. À gogo, tout le monde est à gogo. À gogo, tout le monde est à gogo. Google.